إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فها نحن مجتمعون بحمد الله تبارك وتعالى لدرسنا الرابع في شرح الأصول الستة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فنحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا على ما من به علينا كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وأن يكون ذلك ذخرا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد Nous voici réunis pour notre quatrième assise par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala pour l'étude de l'épître du noble savant Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah appelé les six fondements. Et nous sommes arrivés au sixième et dernier fondement. Ce dernier fondement consiste à réfuter une ambiguïté lancée par Shaytan, qui a pour but d'éloigner les gens de l'étude et la compréhension du Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur nous dit, rahimahullah, le sixième fondement consiste à réfuter une ambiguïté lancée par Shaytan, qui consiste à délaisser la compréhension du Coran et de la sunna, et de suivre les diverses opinions et passions, et consiste au fait de faire croire que le Coran ne peut être compris que par une personne faisant partie de l'élite des savants, une personne ayant des caractéristiques et attributs qui ne se trouvent pas probablement entièrement chez Abu Bakr et Omar radiallahu anhumah. Et si la personne n'a pas ces qualités et attributs, alors il est obligatoire pour elle de délaisser et se détourner de la méditation ou la compréhension du Coran et de la Sunna. Et que toute personne qui recherche la guider à travers le Coran et la Sunna, elle soit apostat ou fou. Cela du fait de la difficulté de leur compréhension. Subhanallah wa bihamdi. Gloire et louange soient faites à Allah. Combien sont les preuves religieuses et rationnelles qu'Allah a détaillées qui viennent réfuter cette maudite ambiguïté de manière différente, atteignant le degré des sujets de base connus par chaque musulman. Puis l'auteur, rahimahullah, nous cite la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, d'après l'essence du verset. Mais la plupart des gens ne savent pas. Surat al-A'raf, verset numéro 187. Puis sa parole, subhanahu wa ta'ala, d'après l'essence du verset. La parole, contre la plupart d'entre eux, s'est certes réalisée. Ils ne croiront donc pas. Nous mettrons des carcans à leur cou, et il y en aura jusqu'au menton. Et voilà qu'ils iront tête dressée. Et nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux, et nous les recouvrirons d'un voile, et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Cela leur est égal, que tu les avertisses ou pas, ils ne croiront jamais. Tu avertis seulement celui qui suit le rappel, et craint le tout miséricordieux, bien qu'il ne le voie pas. Annonce-lui donc un pardon et une récompense généreuse. Surat Yassin, verset numéro 7 au verset numéro 11. Intara kalamuhu rahimahullah. Donc, dans ce fondement, l'auteur, rahimahullah, réfute cette ambiguïté jetée par Shaytan, à travers laquelle il éloigne les gens de la méditation du Coran et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Une ambiguïté qui est également utilisée par certains adeptes de l'innovation et par certaines sectes égarées qui ont pour but, à travers cela, d'éloigner leurs suiveurs de la méditation du Coran. Car celui-ci, le Coran, vient montrer et détailler l'égarement sur lequel ils sont, ou l'égarement vers lequel ils appellent. Et à l'inverse, cela leur permet d'accrocher leurs adeptes à leur propre personne, et non pas au Coran et à la Sunna, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc le fait qu'ils poussent leurs adeptes à penser qu'ils ne pourront jamais comprendre le Coran, cela va pousser ces adeptes à s'accrocher à leur propre personne, et à aucun moment chercher à comprendre la guider dans le Coran. Cette ambiguïté consiste à dire que le Coran et la Sunna sont d'une telle complexité que seul un petit nombre de gens faisant partie de l'élite des savants peuvent aspirer ou penser à le méditer et à comprendre ces versets. Et quant à la masse des gens, alors ils ne le liront que pour rechercher la baraka ou rechercher la récompense de la lecture. Mais à aucun moment, ils n'auront pour but de méditer ses sens ou de comprendre l'essence du Coran. Et l'auteur, rahimahullah, nous cite donc plusieurs versets à travers lesquels il réfute cette ambiguïté. Quant au premier verset, il est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit d'après l'essence du verset. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala blâme dans ce verset, quant au fait que la majorité d'entre eux ne savent pas, ou bien dans l'autre verset, qu'ils ne raisonnent pas, cela nous montre que ces gens étaient capables de comprendre ou de raisonner sur le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car si la compréhension du Coran et de la Sunna n'était réservée, comme cité dans cette ambiguïté, qu'à une élite de gens, Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas blâmé ces gens quant au fait qu'ils ne raisonnent pas sur ces versets ou bien qu'ils ne les connaissent pas. Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala les blâme montre qu'ils étaient capables, mais qu'ils se sont détournés quant à la méditation et la compréhension des sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au deuxième verset cité par l'auteur, rahimahullah, dans celui-ci, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite deux groupes et deux catégories de gens. Quant au premier groupe, il est celui de ceux qui se détournent du Coran et de la Sunna, qui se détournent du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ce qu'Allah nous dit à leur sujet, cela est égal à leur sujet que tu les avertisses ou non, ils ne croiront pas. Cela est égal à leur sujet que tu les avertisses ou non, ils ne croiront pas. Donc voici le premier groupe, ceux qui se détournent du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne cherchent pas à méditer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et à œuvrer avec celle-ci. Et quant à la deuxième catégorie, elle est celle de ceux qui suivent le rappel, qui est le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à leur sujet, d'après l'essence du verset, « Certes, tu avertis seulement celui qui suit le rappel, c'est-à-dire le Coran, et crains le tout miséricordieux, bien qu'il ne le voie pas. Annonce-le donc un pardon et une récompense généreuse. » Sourate Yassin, verset numéro 11. Et par la suite, parmi ce qui vient aussi montrer la fausseté de cette ambiguïté, le fait qu'elle va à l'encontre de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran quant au fait de méditer son livre, de méditer le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset, « Ne médite-t-il donc pas le Coran ou est-ce que des cœurs ont sur eux leur propre cadenas ?» Il nous dit subhanahu wa ta'ala d'après l'essence du verset, « Un livre que nous avons fait descendre, béni, pour qu'il médite ses versets et que s'en rappellent les gens doués d'intelligence. Pour qu'il médite ses versets et que s'en rappellent les gens doués d'intelligence. » Donc, si le Coran aurait été aussi complexe à comprendre, Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas blâmé ces gens quant au fait de délaisser la méditation du Coran. Mais au contraire, le Coran est bel et bien compréhensible pour celui qui cherche à le comprendre et celui qui cherche à la guider à travers celui-ci. Et celui qui emprunte le chemin correct menant à cela. C'est-à-dire à travers l'étude de la science et à travers le fait de méditer l'essence de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, il y a certains versets du Coran qui ne sont compris que par des personnes ancrées dans la science, des savants ou des personnes qui font partie des étudiants en science. Mais tous les versets du Coran ne sont en aucun cas incompréhensibles pour la masse des gens. Comme cela a été cité dans les versets cités par l'auteur, et comme cette ambiguïté a été réfutée par la parole de l'auteur et les versets cités par l'auteur, rahimahullah. Donc certains versets vont être compris par la masse des gens, et d'autres versets ne vont être compris que par les personnes de science ou les savants. Et donc chacun aura une compréhension de certains versets du Coran, cela selon son niveau de science et selon la part de compréhension qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aura accordée. Et quant aux paroles des gens de science et des savants, alors elles sont là pour aider la personne, pour aider le musulman à comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et à comprendre l'essence de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elles n'ont pas pour but que le musulman fasse un suivi aveugle des paroles des gens de science. Mais le but est de comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est compréhensible pour celui qui cherche à les comprendre. Et pour finir, il y a aussi dans ce fondement, cité par l'auteur rahimahullah, une réfutation à toute personne faisant un suivi aveugle. Un suivi aveugle quant aux écoles de jurisprudence, al-madhahib. Et toute personne qui va rejeter les preuves textuelles qui viennent à l'encontre de l'avis du madhhab, donc de l'école de jurisprudence à laquelle il s'affilie. Car ce qui est obligatoire à chaque musulman est de suivre la révélation descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quant aux paroles des gens de science, alors elles sont là pour aider le musulman à comprendre les textes. Mais à aucun moment, elles sont là pour contredire les textes ou pour faire prévaloir les paroles des gens de science sur les textes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset, « Suivez ce qui a été descendu vers vous de la part de votre Seigneur, et ne suivez en dehors de lui aucun allié, mais vous ne vous rappelez que très peu. » Sourate Al-A'raf, verset numéro 3. Donc, il est obligatoire aux musulmans de suivre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce qui a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de prendre en dehors de cela aucun allié. Donc, par cela, nous avons fini par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, le sixième fondement cité par l'auteur. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de par sa grâce, de nous accorder une science profitable et de nous compter parmi ses serviteurs qui seront bien guidés et qui seront des portes menant au bien et des portes évitant le mal. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant واستغفرك واتوب اليك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين